Nadine Bachelot en direct de la cour d'assises. Je rappelle que le verdict est attendu d'ici ce soir. Dans l'actualité judiciaire également, mais en correctionnel, le procureur de la République a décidé de faire appel de la relaxe de Maurice Géroncel dans l'affaire de tentative d'achat de voix lors des élections municipales de 2014. Le parquet de Saint-Denis avait requis 5 ans d'inéligibilité et 6 mois de prison ferme à l'encontre du maire de Sainte-Suzanne lors de son procès en première instance le mois dernier. Maurice Géroncel devra donc revenir à la barre pour s'expliquer sur ce dossier à nouveau. Devant la cour d'appel, cette fois, écoutez la réaction de son avocat. Maître Rémi Boniface est joint ce matin au téléphone de Bruce Régent. Cette affaire, selon moi, ne méritait pas qu'un procureur saisisse le tribunal parce que c'était un piège grossier d'un opposant politique et que si on suit cet opposant politique, et ben dans 23 autres communes, on va avoir des pièges grossiers pour essayer de faire tomber un maire en place. Donc, une fois que le tribunal a été d'accord avec moi, ça ne vaut pas non plus qu'on aille en appel. Parler d'achat de voix, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si on demande à quelqu'un de voter dans un sens et qu'en échange on lui promet ou qu'on lui donne quelque chose, là il peut y avoir une incrimination. Mais si dès le départ tout le monde est d'accord qu'il n'a jamais été demandé à cette dame de voter ou de faire voter dans un sens, on est complètement hors sujet. Donc on ne va pas saisir un tribunal correctionnel. Maître Rémi Boniface, l'avocat de Maurice Géroncel, le maire de Sainte-Suzanne, joint au téléphone par Bruce Régent. À Saint-Joseph, nouvelle journée de perturbation au collège Joseph Hubert. Hier déjà, les quelques 1000 élèves de l'établissement n'ont pas pu aller en cours suite au blocage du collège par des enseignants et des parents d'élèves qui protestaient contre l'insécurité et le manque d'hygiène des installations sportives. Une réunion entre les manifestants, la commune et le département est en cours et les discussions se poursuivent à l'heure qu'il est. On parle maintenant de ces bassins naturels d'eau de mer installés sur les plages, comme à Grand-Anse par exemple. Ils permettent de se baigner dans la mer, hors du lagon, sans risquer une attaque de requins. Mais ils ne sont pas assez nombreux dans l'île ou alors en mauvais état. Hier, lors d'une visite dans le sud, le préfet a annoncé qu'un programme régional de création et réfection des bassins était en cours. On l'écoute. Sur la réalisation des bassins de baignade, il y a un programme régional qui est prévu en la matière. Nous sommes plus au niveau de l'étape réglementaire, puisqu'il s'agit de réaliser des équipements qui, je le pense, sont nécessaires pour le littoral réunionnais, parce que c'est un moyen d'apporter un service à la population, aux touristes aussi. C'est très positif. Il y a déjà quelques bassins de baignade qui existent, anciens, qu'il faut certainement réaménager, et certainement développer de nouveau, compte tenu des contraintes qui existent, de fréquentation, compte tenu des dangers qui peuvent exister sur le littoral. Donc, nous en sommes à cette étape, avec les communes, avec la région, pour avancer sur ces dossiers. Mais pour moi, ce sont des dossiers intéressants. Dominique Saurin, le préfet de la Réunion, était au micro Réunion Première de Sophie Persson. Midi 6 sur Réunion Première, la suite de votre journal, Antoine Garnier. Économie, chaque année, une vingtaine de sociétés réunionnaises font des affaires avec l'Afrique du Sud pour développer les échanges entre notre île et la seconde puissance économique d'Afrique. La Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion organisait hier une manifestation pour informer les chefs d'entreprise réunionnais des opportunités offertes par l'Afrique du Sud. Quels sont les secteurs porteurs? Quels sont les bons comportements à adopter pour faire des affaires avec les Sud-Africains? Élément de réponse avec Olivier Darichaudy. À défaut d'une industrie robuste, la Réunion peut se prévaloir d'être à la pointe dans le domaine des services, un secteur dans lequel la demande est forte en Afrique du Sud. Qu'il s'agisse de cybersécurité, de formation professionnelle ou même de téléphonie, il y a un marché à prendre pour les chefs d'entreprise locaux. Mais pour pouvoir y prétendre, il faut chasser en meute. Face aux conglomérats chinois ou américains déjà bien implantés, une initiative isolée venue d'une petite société insulaire est condamnée à l'échec. D'abord pour les démarchages, puis pour répondre aux appels d'offres, il est impératif de se greffer au réseau existant. Par exemple, à l'antenne de Business France installée à Johannesburg. Il est aussi recommandé de profiter de toutes les aides existantes pour préparer son voyage. Le ministère de l'Outre-mer propose par exemple de défrayer la prospection, laissant aux chefs d'entreprise la seule prise en charge du billet d'avion. Actualité dans la zone du Nouveau, dans l'enquête sur le meurtre d'un couple de Français à Madagascar, 5 personnes, dont un ressortissant français, ont été inculpées et placées en détention hier. Ils sont soupçonnés d'être liés au meurtre des 2 jeunes bénévoles français tués fin août sur l'île de Sainte-Marie. 9 suspects avaient été déférés devant le parquet de Tamatave. 4 d'entre eux ont été remis en liberté. On parle de télé maintenant. Arrivée en Outre-mer plusieurs années après son lancement dans l'Hexagone, l'offre de la TNT est bien moins riche chez nous qu'en métropole et la différence est de taille, 17 chaînes de moins en Outre-mer. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, travaille actuellement sur un rapport qui devrait être rendu public durant ce mois de septembre. Des discussions sont en cours avec certains médias privés présents sur la TNT, mais le problème est plus complexe qu'il n'y paraît, selon Patrice Gélinet, membre du CSA délégué à l'Outre-mer. Il est au téléphone de Rabia Issa pour Réunion Première. J'en ai parlé longuement avec le groupe BF1 pour leur dire « Vous venez d'obtenir le passage en gratuit en métropole, puisque vous êtes sur la TNT gratuite maintenant en métropole, et bien pensez que la France, c'est pas seulement la métropole, c'est aussi le territoire d'outre-mer. » Alors, pour l'instant, on en est au stade des discussions et au stade aussi de l'établissement d'un rapport sur la TNT outre-mer que je me suis engagé donc à rendre public au mois de septembre. En tout cas, le Conseil donc a prévu effectivement que ce rapport soit rendu public, qui est à l'usage notamment du gouvernement, puisque, vous le savez, il y a actuellement sur la table du ministère des Outre-mer un projet d'égalité réelle outre-mer, et il a fait à partir du rapport de Victorin Lurel, qui a omis pour l'instant, mais j'en ai parlé avec Victorin Lurel, de pointer du doigt cette inégalité qui existe, encore une fois, en matière de télévision gratuite, entre l'outre-mer et la métropole. Patrice Gélinet, le délégué de l'outre-mer au CSA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, était au téléphone de Rabia Issa. Son nom a été rattaché il y a quelques semaines à une polémique suite au refus par les autorités réunionnaises de délivrer un visa à l'écrivain Ali Zamir, l'écrivain comorien, qui était finalement de passage dans notre île dimanche, une escale de 24 heures à peine après une autre à Mayotte la veille. Accompagné de sa femme, le jeune écrivain comorien est allé faire la promotion de son livre, sorti officiellement jeudi aux éditions Le Tripode, intitulé « Anguille sous roche ». Ce livre est salué par l'ensemble de la presse parisienne comme étant une des révélations de la rentrée littéraire. Il est d'ailleurs sélectionné pour plusieurs prix littéraires. Son portrait avec Jean-Paul Mélade. Ali Zamir vit à Moutsamoudou, la capitale de l'île d'Anjouan, ville où il est né il y a 29 ans. Il a fait des études à l'université du Caire après un bac passé au lycée public d'Anjouan. Son père enseignant lui a offert son premier livre, Adieu Tristesse, de Françoise Sagan, livre qu'il a enchanté. Anguille sous roche, il l'a écrit alors qu'il terminait la fac en Égypte et cherchait un éditeur. Son héroïne, originaire de Moutsamoudou comme lui, étudie au lycée de la capitale. Sérieuse, serviable et sans problème, Anguille, 17 ans, va tomber amoureuse, mais la suite on ne vous la racontera pas. Sur 320 pages, l'auteur nous raconte dans un style particulier cette histoire. Tout est écrit d'un seul trait, comme si Anguille voulait se débarrasser de son destin. Ali Zamir nous a accordé une interview exclusive. Elle sera diffusée dans son intégralité jeudi prochain le 8 dans Culture Première à 18h15. Un mot de sport avant de refermer cette édition. L'Euro est à peine fini, on passe déjà aux qualifications pour la Coupe du Monde 2018. L'équipe de France rencontre la Biélorussie ce soir. Dans l'effectif, il y aura évidemment Dimitri Payet. En juillet dernier, le Réunionnais s'est fait une place incontestable chez les Bleus. Mais est-il autant certain d'être dans le 11 de départ ce soir et même lors des prochaines rencontres, même si tout le monde ici le souhaite, ce n'est pas si évident. Ce ne sera peut-être pas automatique. Bruce Réjean. Le numéro 27 de West Ham a un sérieux concurrent sur le côté gauche de l'attaque française. Il s'appelle Anthony Martial. Jeudi dernier, en amical contre l'Italie, les deux joueurs ont eu droit à une mi-temps chacun et le joueur de Manchester United en a profité pour marquer. Il a donné le tournis aux défenseurs adverses. Percussion et vitesse sont ses points forts. Ceux de Dimitri Payet, ce sont la maîtrise du jeu, les passes millimétrées et la conservation du ballon. Martial obtient beaucoup de coups francs, mais personne chez les Bleus ne sait mieux les tirer que le Saint-Philippois. Alors le sélectionneur risque d'être tenté de choisir au coup par coup, en fonction des habitudes tactiques de l'adversaire, certes, mais surtout en fonction du système de jeu qu'il préférera. Si c'est le 4-4-2 comme à l'Euro et comme à West Ham, ce serait Payet. Si c'est le 4-3-3 comme à Manchester United, ce serait plutôt Martial. Sachant que dans tous les cas, Didier Deschamps peut aussi utiliser l'un pour fatiguer les défenseurs et l'autre pour conclure en fin de match. Des deux situations, il y en a une qui est plus flatteuse que l'autre. Le Réunionnais est très bien placé pour le savoir. Bruce Réjean, 12h12 sur Réunion Première. L'heure de faire un tour de l'actualité nationale et internationale avec France Info. Manuel Valls confirme ce matin que la France est sans nouvelles d'une quinzaine de ressortissants qui se trouvent au Gabon. Ce sont des franco-gabonais. Le pays est secoué, vous le savez, par des émeutes depuis la réélection contestée de son président, Ali Bongo. La situation s'améliore sur le front des incendies. Dans les Corbières, d'abord, le feu est désormais fixé. Il ne gagne plus de terrain. 900 hectares de forêt et de vignes sont partis en fumée. Et puis dans les Calanques, près de Marseille, l'incendie est quasi maîtrisé. Un incendie qui serait d'origine criminelle, d'après le préfet des Bouches-du-Rhône. Marseille, où la folie meurtrière se poursuit. Deux hommes ont été tués hier soir en plein centre-ville. Ils se trouvaient dans un bar quand ils ont été pris pour cible. Énième règlement de compte dans la ville et dans les environs. 10 personnes ont été abattues en seulement un mois. Une grève chez SFR. Les salariés vont manifester aujourd'hui à Paris, Lyon, Marseille, Nantes ou encore Bordeaux. Ils refusent de voir disparaître un poste sur trois, comme le veut la direction. SFR compte se séparer de 5000 employés via des départs volontaires. Et puis les Bleus du football mettent le cap sur la Coupe du Monde 2018. Premier match des éliminatoires, c'est ce soir. La France se déplace en Biélorussie. Les Bleus qui sont aussi dans le groupe de la Suède et des Pays-Bas. C'est le 12-13, la suite du 12-13 sur Réunion Première. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Ce midi dans C'est dans l'actu, on va parler du diabète et d'une nouvelle technique de dépistage des diabétiques à distance. Et oui Antoine, on appelle ça la télémédecine. Elle va être utilisée pour lutter contre la rétinopathie diabétique. C'est une complication grave du diabète au niveau des yeux avec le risque de devenir aveugle. Comment ça marche? Je demanderai ça à mes invités dans deux minutes et j'attends aussi vos questions au 02 60 99 2000. Des nouvelles du temps. Avec Ingrid. Bonjour Philippe, bonjour à tous. En cette fin de matinée, les nuages sont bien présents dans les hauts du département. Et même si les précipitations ne sont pas très nombreuses, eh bien cette masse nuageuse est de plus en plus dense. Sur le littoral, les conditions sont correctes, nous dit Météo France. Mais au fil du temps, les entrées maritimes apporteront quelques pluies dans l'est cet après-midi. Dans l'ouest aussi, les nuages auront tendance à s'étaler sur les régions littorales. L'alizée est modérée vers Saint-Pierre. Certaines rafales pourront atteindre les 40 à 50 km/h dans ce secteur. Idem pour la région de Sainte-Marie. La mer est agitée au vent et quelques vagues générées par la houle d'alizée déferlent sur les rivages est et sud du département. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. C'est reparti pour la troisième édition du salon Run in Tech, les 7 et 8 septembre prochains, le rendez-vous annuel du numérique réunionnais. 70 conférences, 50 exposants, 50 ateliers, 40 étudiants et deux concours inédits avec une thématique sur la mise en valeur des savoir-faire locaux en termes d'innovation. Un salon par les professionnels, pour les professionnels. Réunion Première vous fera vivre cette manifestation en direct depuis un hôtel de la côte ouest, les 7 et 8 septembre prochains de 10h à 18h. Inscription gratuite sur www.runintech.re. Citoyens des Outre-mer, vous avez la parole. Le projet de loi Égalité réelle ne se fera pas sans vous. Une consultation participative est lancée. Objectif, vous permettre de prendre part à une démarche qui va engager l'ensemble des Outre-mer pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que l'égalité réelle? Quelles actions peuvent y contribuer? Quelles sont vos idées? Jusqu'au 9 septembre, rendez-vous sur égalité-réelle-outre-mer.fr. Parlez-en autour de vous et ensemble, construisons l'avenir des Outre-mer. Hey, vous connaissez que depuis le 1er septembre, il y en a moins de ramassage poubelle? Comment ça fait là? Inquiète pas, chérie, il suffit de produire moins de déchets et de mieux trier. En plus, les bons pour l'environnement et pour l'avenir de la Réunion. Hé, hey, regarde, papa, sur notre calendrier de ramassage, il y en a toutes les informations. Il n'est pas compliqué. Pour plus d'infos, appelez le numéro vert au 0800 501 501. Appel gratuit depuis un poste fixe. Rendez-vous sur www.civis.re ou sur Facebook Civis Officiel. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. Première. Première. Midi 17 sur Réunion Première, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Au menu aujourd'hui, la télémédecine pour dépister les diabétiques. Vous êtes diabétique? Vous êtes diabétique, vous avez moins de 70 ans et vous n'avez pas consulté d'ophtalmologue depuis 2 ans. Alors vous êtes concerné par le projet Rétino. Grâce à ce projet, vous devriez accéder plus facilement au dépistage de la rétinopathie diabétique et donc éviter de perdre la vue à cause de votre diabète qui s'aggraverait. Plus besoin de se déplacer loin avec ce dispositif. Un orthoptiste se déplacera dans les différentes communes. L'opération débute samedi à Elbourg. Mais attention, il faut d'abord passer par votre médecin traitant pour obtenir une ordonnance. Pourquoi se mobiliser particulièrement contre cette complication du diabète ? Combien de patients sont concernés à La Réunion ? Que se passera-t-il si le dépistage détecte un cas de rétinopathie diabétique ? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Vos questions, comme d'habitude, au 02 62 99 2000. Il y a aussi le mode texto, 06 92 70 2000. Et puis les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est dans l'actu. Et si vous tweetez le hashtag CDLA première. Avec moi ce midi, 3 invités, le docteur Jean-Marc Simon-Pierry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service performance et projet de santé à l'ARS, l'agence régionale de santé. Éric Carucci, président de l'UE. L'URPS des orthoptistes, bonjour. Bonjour. L'URPS, c'est l'Union régionale des professionnels de santé. Et puis Philippe Dauquitonon, bonjour. Bonjour. Président d'ADN 974, l'association Diabète Nutrition. Alors avant de parler de la rétinopathie, il faut d'abord rappeler sans doute l'ampleur du diabète à La Réunion, département français le plus touché proportionnellement. Vous pouvez nous rappeler quelques chiffres, docteur Simon-Pierry. Oui, donc à La Réunion, on a 2 fois plus de diabète qu'en métropole. À peu près 60 à 70 000 personnes sont touchées par ce fléau. Alors 2 fois plus en proportion, je précise, en proportion, évidemment. Voilà. De la même façon, donc c'est un fléau, c'est la première cause d'admission en affection longue durée. Et le problème du diabète, c'est une maladie qui est chronique, qui va durer toute la vie. Mais c'est une maladie qui se traite et c'est une maladie dont la médecine permet d'éviter l'arrivée de complications. 4000 nouveaux cas par an. 4000 nouveaux cas par an, une prévalence un peu plus importante dans l'est du département. Et comme je disais tout à l'heure, c'est les complications vasculaires qui obèrent l'avenir du patient diabétique. C'est pour ça que la personne touchée par un diabète doit, avec son médecin traitant, se faire suivre et contrôler l'apparition de certaines complications. Éric Carucci, on peut dire que La Réunion est un département hors norme par rapport à cette situation du diabète ? On est complètement hors norme. Hein. Il faut recenser donc effectivement ce grand nombre de gens diabétiques sur le département qui malheureusement se soignent un maximum, mais beaucoup de gens sont en rupture de soins aussi. Donc notre rôle était d'intervenir sur cette rupture de soins. Et cette opération-là, on en parlera plus en détail, mais va permettre ça ? On l'espère. C'est une opération qui a été mise en œuvre d'abord par les libéraux. Donc ce sont 2 URPS qui se sont réunis pour la créer. Les URPS médecins, les URPS orthoptistes, donc des libéraux qui sont mis au service de leur population, au service de la santé en première intention. L'idée originale est comme à mettre au crédit du docteur François Ramani. Hein, c'est lui qu'on a eu l'idée principale. C'est un dépistage qui existe déjà aussi dans la forme de ce qu'on appelle le droit commun. C'est un dépistage qui va se passer sur le bord côtier, entre guillemets, et qui aura pour but de dépister tous les gens qui seront aussi prescrits. Le but de Rétino, puisqu'on l'appelle Rétino, c'est d'aller chercher les exclus, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment dans les écarts, qui sont plus pris en charge et qui ont un refus de soins aussi. Donc il faut remettre tous ces gens-là dans le parcours de santé. Quel regard vous portez, vous, Philippe Dauquitonon, qui êtes à la tête d'une association de personnes diabétiques, sur cette mobilisation ? Écoutez, on est satisfait évidemment, parce que plus on aura de la prévention et plus on se rapprochera des diabétiques, ne serait-ce que pour déjà les recenser, comme disait le docteur, c'est que effectivement ceux qui sont éloignés des soins, surtout dans les écarts, je pense que c'est important qu'on s'occupe également d'eux. Et nous sommes tout à fait, on en a parlé avec les collègues, on est tout à fait satisfait de ce genre d'opération. Et plus on se mobilisera, plus on aura des chances de prévoir cette maladie qui effectivement est hors norme à La Réunion. Et puis le diabète est une maladie silencieuse, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades sans le savoir finalement. Tout à fait. Et puis d'autant plus que, comme l'a dit le docteur Simon-Pierry, c'est que si on la traite, si on se soigne normalement, on peut vivre normalement. Donc je crois que, et nous, notre association est là pour ça. C'est-à-dire que nous organisons surtout de l'activité physique, hein, généralement, et puis des conseils en nutrition, justement, pour que le malade puisse non seulement suivre les prescriptions médicales, ça c'est important, mais également faire des exercices pour vivre normalement. Alors sur la totalité des diabétiques, combien de personnes vous avez dit déjà ? À peu près entre 50 et 60 000 personnes sont actuellement diabétiques traitées. Parce qu'effectivement, il y a malheureusement des diabétiques qui ne se connaissent pas. Donc comme elle a dit, essentieux. Donc c'est pour ça qu'il y a des actions de dépistage qui sont mises en place à La Réunion. Parce que je vois quand même signaler que le diabète constitue une des priorités de l'Agence de santé aux soins indiens. 50 000, 70 000 personnes que l'on connaît atteintes de diabète, que l'on sait atteintes de diabète, est-ce que toutes peuvent faire un jour une rétinopathie diabétique ? Alors là, la rétinopathie diabétique est une des complications microvasculaires du diabète. Donc lorsqu'on est diabétique, on a tendance à, avec l'évolution, parce que maintenant les diabétiques vivent de plus en plus longtemps, hein, comme ont la même durée de vie qu'une personne ayant une autre maladie chronique, donc ils peuvent avoir effectivement cette rétinopathie. Et il faut que les personnes aillent régulièrement, sous prescription de leur médecin traitant, voir un ophtalmologiste pour effectuer un dépistage rétinopathie qui se fait à partir d'un examen de fond d'œil, quoi. Mais potentiellement, n'importe qui peut avoir cette maladie. Il n'y a pas des terrains plus favorables que d'autres, ou l'inverse. Alors, c'est pour ça qu'un diabétique traité et qui suit les préconisations de son médecin traitant, si son équilibre glycémique est satisfaisant, il ne fera pas de rétinopathie, quoi. C'est quoi plus précisément la rétinopathie diabétique, Eric Carocci, vous qui êtes orthoptiste, je le rappelle. La rétinopathie diabétique, donc, comme disait très bien le docteur Simon Perry, donc, ça va surtout toucher donc, tout ce qui est la vascularisation de la rétine. Donc dès que le taux de diabète risque d'augmenter assez rapidement, et puis c'est des taux qui varient très rapidement et qui font des flux assez importants au niveau de la vascularisation, la rétine étant fragilisée, les vaisseaux étant fragilisés, ils ont tendance à devenir un petit peu ouverts, et donc il y a des causes de saignement dans l'œil. Le danger, c'est que ça atteigne les zones centrales, donc ce qu'on appelle la macula, la zone qui permet de voir. Et quand la macula devient vascularisée et saignante, le risque de cécité devient très vite important. Et c'est quoi exactement ce que vous dites, la macula ? La macula, c'est le centre de l'œil, c'est le point de vision, c'est ce qui nous sert à voir. Les symptômes de cette maladie de la rétinopathie diabétique ? Alors, les symptômes, il n'y en a pas énormément, parce qu'effectivement, c'est une maladie qui est sournoise, qui est indolore quasiment, qui est silencieuse. Donc c'est pour ça que quand le suivi est parfait chez le patient, même s'il a un taux glyqué qui est bien en équilibre ou autre chose, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas passer à travers d'un problème rétinien. Donc il est intéressant d'avoir un contrôle chez son ophtalmologiste, généralement tous les ans, pour avoir une sécurité aussi de l'état de la rétine. Et c'est une indication aussi sur d'autres facteurs donc, qui peuvent être en relation avec la vision. Donc l'intérêt, c'est quand même d'avoir des suivis réguliers. Et sans ce contrôle, vous-même, vous dites que c'est une maladie indolore. On ne peut pas imaginer qu'on ait atteint de cette maladie-là. Non, rarement. Et puis souvent, les premiers signes, c'est que le patient vient vous voir et puis il vous dit « je vois moins bien aujourd'hui, j'ai comme une masse brune devant l'œil. Je tourne les yeux, je vois quelque chose qui flotte en même temps. » Donc souvent, c'est des premières causes. Donc, et puis dans l'étude du fond d'œil qui intervient très rapidement dans ces cas-là, après dilatation chez l'ophtalmo, à ce moment-là, on dépiste très rapidement des zones qui sont atteintes et des vascularisations qui sont assez, assez fortes. Donc les points de saignement deviennent assez importants. Et souvent, on accompagne ces examens d'angiographie. Maintenant, on s'en sert un peu moins, mais c'est vrai que ça a révélé complètement les points de fuite, ce qu'on appelle les points de fuite sur la rétine, qui sont les points par où le sang passe, quoi, donc souvent. Au sein de votre association, Philippe de Quittenon, il y a des personnes qui sont touchées par cette maladie ? Certainement. Hein, je veux dire, s'il y en a qui ne se traitent pas, et je crois que vous le dites tout autour de cette table, c'est qu'il faut suivre vraiment le traitement que donne le médecin généraliste. Et c'est vrai qu'il y a... Il y a moi-même qui suis diabétique, effectivement, une fois par an, je vais chez l'ophtalmo, une fois par an, je vais chez mon cardiologue, et puis je prends tous les jours les médicaments. L'observance est importante, et on voit vraiment chez les malades, et on voit dans l'association, nous on essaye de dire que je veux dire, il y a des traitements, il faut les suivre. Et c'est la non-observance souvent qui font les complications que viennent d'évoquer les médecins. Donc nous, on essaye en tout cas au sein de notre association de dire aux gens, ben respectez l'observance parce que de votre traitement, parce que c'est là l'important. C'est-à-dire que c'est une maladie silencieuse. On n'est pas, il faut pas être fataliste. Et à La Réunion, on a été un peu fataliste là-dessus en disant, j'ai un petit diabète. Ça n'existe pas, le petit diabète. C'est le diabète. Et le diabète, il faut le suivre. Et c'est vrai que si on le suit normalement, eh ben, c'est vrai que c'est quelques sacrifices. Il faut le reconnaître. Mais si on suit normalement, on arrive à vivre autant, aussi longtemps que les autres. Mais là, c'est important. Et c'est vrai que il y a un tel fatalisme à La Réunion qu'il faut se battre contre ça parce que il n'y a pas de petit diabète. Il y a du diabète et il faut le suivre. Et si vous avez des questions à nous poser sur le diabète, je vous rappelle le numéro 02 62 99 2000. N'hésitez pas à prendre la parole. Et puis le canal SMS, le 06 92 70 2000. Est-ce que ça se soigne, cette maladie, docteur Jean-Marc Simon-Pierry? Alors, le diabète? La rétinopathie diabétique. Alors en fait, je vais revenir un petit peu. Effectivement, comme le diabète est une maladie silencieuse, l'apparition d'une rétinopathie, souvent la personne ne le sent pas, il n'y a pas de douleur. Et on peut avoir des atteintes rétiniennes sans que la personne éprouve aucune gêne ou symptôme. Petit à petit, peut s'installer, au bout d'une dizaine d'années, d'un diabète, parfois pas très bien contrôlé. Effectivement, une baisse de l'acuité visuelle et puis après des problèmes, comme disait M. Carotti, des maculopathies. Mais ça, effectivement, lorsque le diagnostic est fait, les médecins ophtalmologistes ont les outils, en particulier les outils style laser, pour essayer de lutter contre les complications de cette rétinopathie et contrôler la rétinopathie. C'est pas parce qu'on a une rétinopathie que c'est fini, qu'on devient aveugle. Mais si on ne la soigne pas, effectivement, on risque d'avoir quand même de gros problèmes pour la vision quotidienne. Parce que je voulais signaler que chez les moins de 65 ans, la cécité, c'est le diabète. La cécité, c'est le diabète. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les personnes de moins de 65 ans qui sont aveugles, quand on regarde les pathologies qu'ils ont, les causes. On trouve en fait un diabète. Donc le diabète est à l'origine de... Des cécités les plus fréquentes chez les gens de plus de 65 ans. D'accord. Le traitement, si on veut combattre donc cette rétinopathie, est-ce que c'est un traitement lourd? En fait, il faut d'abord prendre son traitement contre le diabète, s'assurer que l'équilibre glycémique est le plus correct possible. Ça pour empêcher que les complications deviennent de plus en plus importantes. Et puis après, il y a des traitements qui sont réalisés par les ophtalmologistes directement sur la rétine. Quoi. Les conséquences de cette maladie, je disais en introduction, c'est pour éviter, on la combat pour éviter de perdre la vue. Ça, c'est vraiment le pire. Ça peut être de perdre la vue progressivement, Eric Carucci. La vue, effectivement, c'est quand même un des sens principaux. Et si on l'a plus, on est perdu. Des fois, quand vous interrogez les patients dans votre cabinet, ils vous disent qu'ils préfèrent être sourds que d'être aveugles. C'est un goût à la vue, la vue. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la cécité. Donc, si on intervient assez rapidement dans la prise en charge, on peut bloquer beaucoup le système. Des fois, ce qu'il y a, c'est que ça peut amener aussi des amputations du champ de vision. Donc, la vision étant perturbée dans certains axes, et donc ça peut aussi provoquer des problèmes pour le patient dans son déplacement, dans son appréciation de la journée, et les acuités sont variables aussi. Donc, on a des gens qui sont fortement diabétiques, qui arrivent à conserver encore un 10/10 d'acuité visuelle, tant mieux. Puis vous en avez qui sont déjà un peu diabétiques, qui ont perdu déjà 4 ou 5 dixièmes. Donc, je veux dire, c'est la surveillance, c'est l'observance du diabète, effectivement, et puis c'est les contrôles réguliers chez son ophtalmo qui vont permettre de soulager la prise en charge, quoi. Alors, à qui elle s'adresse, cette opération de dépistage? On rappelle, opération rétino, qui va consister, et on y reviendra aussi dans le détail, à se rendre dans les communes, dans les écarts. Ça s'adresse, je le disais tout à l'heure, aux personnes de moins de 70 ans qui ne sont pas passées chez un ophtalmo pour un fond d'œil depuis 2 ans. C'est quoi un fond d'œil? Alors, un fond d'œil, c'est l'examen qui permet d'étudier effectivement s'il y a une rétinopathie diabétique ou pas. Donc, on observe la rétine à travers du matériel spécialisé, hein, donc qui nous permet d'observer cette rétine-là et dépister déjà s'il y a un trouble rétinien. Donc ensuite, les examens vont en découdre s'il y a une pathologie reconnue. Donc dans le cas du dépistage de rétino, les gens, effectivement, c'était avec une barrière d'âge, parce qu'il a fallu limiter malheureusement une barrière d'âge à cette prise en charge, qui est 70 ans. Et tous les gens qui ne sont pas passés en cabinet ophtalmologique depuis 2 ans, donc c'est des gens vraiment exclus un petit peu de la prise en charge de soins. C'est des gens aussi qui sont auto-exclus, parce qu'avoir une maladie chronique, c'est fatigant. Comme disait très bien M. Dokitonon, c'est la prise en charge d'un médicament régulier tous les jours, c'est un passage de l'infirmier, c'est beaucoup de choses. C'est ce déni de situation, dans certains cas de patients, qui fait que la maladie s'aggrave parce qu'il n'est plus pris en charge. Donc c'est ça. C'est un refus de soins. Alors nous, ce qu'on veut, c'est par ce biais du dépistage qui a été mis en place donc par les URPS et puis surtout par l'ARS qui a donné un sacré coup de main et un sacré coup de fouet au projet. C'est de mettre en place un travail sur l'exclusion. Donc on veut remettre les gens dans le parcours de santé. Grâce à la télémédecine. La télémédecine pour dépister les personnes diabétiques. C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Et on va prendre la direction de la possession pour écouter Jean-Yves. Bonjour. Oui, bonjour Réunion Première. Bonjour les invités sur le plateau ainsi que tous les auditeurs. Je suis diabétique et également suivi sur les problèmes des yeux là, par le docteur Beaumont du Port. J'avais suivi un traitement au laser il y a des ans de là, ensuite ça s'est amélioré. Et entre-temps, à un examen, on avait constaté que j'étais hypertendu au niveau de l'œil, ça montait jusqu'à 30, ou il faudrait qu'à la moyenne 13, on m'a dit. Donc je mets deux gouttes tous les soirs, ça s'est amélioré, mais on a détecté aussi le glaucome des yeux qu'on va opérer ultérieurement. Mais là, on m'a fait entre-temps 3 injections, espacées d'un mois, d'un gel dans l'œil. Est-ce que c'est lié à cette maladie que vous évoquez, la rétino-diabétique? Question très, très précise. Merci Jean-Yves. Éric Carottier. Merci à vous. Bonne soirée également. Bonjour. Moi, je vais essayer de vous répondre en ma qualité d'orthoptiste, donc paramédical. Je préférerais laisser le soin à monsieur docteur Simon Piri d'en parler plus précisément. Mais bon, vous évoquez un problème de tension oculaire, donc d'un glaucome, qui n'est pas forcément lié effectivement à votre début de rétinopathie diabétique. La fragilité des vaisseaux peut amener aussi des complications effectivement oculaires qui peuvent se transformer des atteintes, ce qu'on appelle de l'angle, donc avec des fermetures qui peuvent créer effectivement une élévation de la pression intraoculaire. Donc je pense que monsieur a une pathologie oculaire relativement importante et que sa prise en charge doit être sûrement excellente par son ophtalmo. Je pense que ce qu'il a eu actuellement, c'est des injections aussi qui sont d'une autre mesure, donc qui est pour préserver un petit peu les états rétiniens, donc c'est des injections spéciales, mais ça ne fait pas court forcément dans le traitement tout le temps de la prise en charge de la rétinopathie diabétique, malheureusement. Vous souhaitez compléter la réponse d'Éric Carucci à Jean-Yves, docteur Simon Pierry? Simplement, effectivement, en diabétique, on peut avoir une rhinopathie, mais en diabétique, on peut avoir aussi d'autres maladies qui ne sont pas liées au diabète. Tout simplement. Voilà, et lorsque la rétinopathie est détectée, est-ce qu'on est sûr de pouvoir stopper l'évolution? Alors, en médecine, on n'est jamais sûr à 100%, mais les moyens actuels, et l'ophtalmologie a quand même fait des progrès extraordinaires, en plus depuis l'apparition du laser, pour que les personnes soient quand même largement stabilisées, quoi. Alors, on sait qu'il y a 12 500 patients qui sont éligibles, comme on dit, qui peuvent prétendre à ce dispositif. Docteur Philippe Dokitonon, pardon. docteur en cuisine. Mais plus sérieusement, 12 500 patients qui peuvent prétendre à ce dispositif. Et on entendait Eric Carucci qui nous disait tout à l'heure, certains d'eux-mêmes refusent d'aller vers ce parcours de soins. Est-ce que le fait de recevoir un courrier, puisque chacune de ces 12 500 personnes va recevoir un courrier l'invitant à se déplacer pas loin, hein, puisque ce sera dans sa commune, jusqu'à ce dépistage, est-ce que vous pensez que ça va réussir à changer la donne? Ben écoutez, ça va déjà l'améliorer. Changer la donne, je ne sais pas, mais ça va l'améliorer. Je veux dire, quand nous organisons par exemple des dépistages sur des opérations, je veux dire, le but c'est pas de substituer à quiconque, c'est d'essayer d'améliorer, de faire de la prévention et de dire aux gens, vous avez une suspicion d'eux, allez-y quoi, n'attendez pas. Et comme elle est effectivement silencieuse et qu'on ne sent rien, je veux dire, souvent c'est par hasard, si je peux me permettre, qu'on s'aperçoit parce qu'on achète une maison et on va prendre une assurance, et là on fait des analyses et là on s'aperçoit qu'effectivement on est diabétique, ça a été mon cas, et donc j'ai dû traîner ça pendant un certain nombre d'années, et donc ça fait que effectivement nous Je veux dire, en tant que malade, association de malades, plus il y aura de la prévention, plus il y aura des choses comme ça. Et moi, je salue en tout cas ce qui va être fait à ce niveau-là, parce que ça, c'est là, on sent très bien que c'est pour le malade. C'est-à-dire que le malade est au centre de, je veux dire, de cette opération. Et en tout cas, nous en sommes satisfaits. On parlait de cette opération de dépistage. Elle va recourir à la télémédecine. En quoi ça va consister, Jean-Marc Simon-Pierry? En fait, là, dans cette opération de rétino, la télémédecine est simplement un moyen de permettre à des personnes qui vont aller rencontrer un orthoptiste, qui sera par exemple comme dans le samedi à Elbourg, de réaliser en fait un examen de fond d'œil. Et cet examen de fond d'œil réalisé par l'orthoptiste à Elbourg, la photographie va être numérisée et va être envoyée à un médecin ophtalmologiste qui va interpréter la rétinographie, c'est-à-dire la photographie du fond d'œil, à distance. Et en combien de temps? Est-ce que ça va se faire dans l'instant ou un peu plus tard? Alors, ça pourrait être fait effectivement dans l'instant, mais là, en fait, il y aura un certain nombre... on s'attend à ce que pour chaque consultation, il y aura à peu près une trentaine, 30 à 50 personnes qui puissent être prises en charge, avoir ce fond d'œil. Et donc, le médecin ophtalmologiste, il recevra en fait de façon sécurisée l'ensemble des rétinographies et il les interprétera dans les 8 jours. Oui, donc c'est mieux d'enchaîner les examens et puis de les interpréter par la suite pour gagner du temps, c'est ça aussi, non ? Voilà, puis en même temps, l'ophtalmologiste, on a effectivement des orthoptistes qui vont réaliser les examens, des ophtalmologistes qui vont les interpréter et l'interprétation se fera d'un seul bloc, quoi. Alors, l'examen décentralisé est réalisé par un orthoptiste, comme vous, Eric Carucci, pas par un ophtalmologue ou ophtalmologiste, on peut dire les deux. C'est quoi la différence entre ces deux professionnels de santé, ophtalmologue et orthoptiste? Alors, l'ophtalmo, c'est quand même un médecin, c'est 11 ans d'études. L'orthoptiste, c'est 3 ans et demi d'études, c'est un paramédical. Ce qu'il y a, c'est que depuis la création de la loi HPST, donc qui a maintenant pratiquement 7 ans... La loi hôpital, c'est ça? Non, c'est l'hôpital santé-territoire. Et donc, qui a permis de créer ce qu'on appelle des transferts de compétences. Donc, dans la compétence de l'orthoptiste est à sa portée la réalisation de ces clichés-là. Et donc, l'orthoptiste va pouvoir, effectivement, donc, faire les photos du fond des fonds d'yeux et les télétransmettre via donc un système informatique vers un ophtalmo lecteur. Donc effectivement, l'intérêt c'était d'avoir, comme on s'est battu pour ça, d'avoir tous les partenaires pour travailler dans des lieux différents. C'était avoir le praticien qui se déplace, qui est l'orthoptiste vis-à-vis de la population, donc c'était le centre du dépistage, et puis avoir les lecteurs à distance. Donc la lecture est en fait en différé. Il n'y a pas une urgence à la lecture. Elle peut se faire effectivement sous les 7 jours normalement. Mais c'est toujours beaucoup mieux que d'attendre 6 ou 7 mois son rendez-vous chez l'ophtalmo, d'avoir une prise en charge qui risque d'être encore plus longue. Alors c'était ça aussi qui a fait que les gens n'allaient plus vers les consultations ophtalmologiques, malheureusement. C'est que le nombre d'ophtalmo étant en diminution depuis pas mal d'années, les gens, ils ont des listes d'attente de quasiment 6 à 8 mois dans certains cabinets. Donc il fallait se mettre vraiment à la portée de ces gens-là pour activer et rendre plus rapide effectivement cette prise en charge de photos et de prévalence sur le diabète. Donc il fallait faire quelque chose. Et alors donc... imaginons que j'aille faire ce dépistage, si j'ai bien compris, 7 jours après il y a cette interprétation, donc le diagnostic Les 7 jours, porté. Ouais. Je suis informé combien de temps après? Alors dans le cadre... Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, dans un cadre où on révèle effectivement une rétinopathie diabétique, donc une atteinte, une pathologie, donc là, il y a une prise en charge qui va être quasiment instantanée. C'est-à-dire que l'ophtalmologiste va répondre au plus vite, donc inférieur souvent à 7 jours, au médecin traitant qui a envoyé ce patient-là, pour lui faire prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo le plus disponible dans les 15 jours qui suivent. Donc, on a un gain de temps qui est déjà majeur. Dans le cadre où il n'y a pas de pathologie avérée de la rétinopathie diabétique ou pas de troubles internes sur la rétine, dans ce cas-là, le patient sera averti. Mais si au-dessus des 8 jours, il n'a pas encore reçu un premier courrier, c'est qu'il n'a pas à s'inquiéter sur son état. Mais vous savez comment ils sont, les gens, ils s'inquiètent. Le patient aime avoir une réponse. Ils ont tout à fait raison. Et je pense que même sur place, un orthoptiste sera habilité à dire, dans le cadre où il n'y a rien... ne vous inquiétez pas, il y a quand même un message pour rassurer le patient. Après, le message le plus important, c'est celui qui arrivera 7 jours après de la part de l'ophtalmologiste. Philippe d'Aquindonon, il peut y avoir aussi des inquiétudes autour de la confidentialité des données. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Non, je ne pense pas. Je pense que... Je veux dire, la confidentialité, vous l'avez dit, donc c'est par transmission, je veux dire, électronique, sécurisée. Et je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord pour maintenir cette confidentialité. Je crois que en médecine, je crois que c'est un peu, ça fait partie de l'éthique. Donc il n'y a pas question de dire, tiens, de montrer du doigt quiconque. Vous n'avez pas peur que ce soit un frein pour que les gens aillent se faire dépister ? Non, pas du tout. Là, je veux dire, vraiment, le message à donner, c'est justement d'y aller. Et comme l'a dit M. Carucci tout à l'heure, je veux dire, des fois, pour attendre l'ophtalmo, 5, 6, 4 mois, c'est long. Et là, il y a une opération qui est menée, je veux dire, avec des professions médicales. Je crois que c'est le moment d'y aller et de profiter de cela, justement, pour faire de la prévention et éviter des risques, je dirais, irrémédiables après. Les informations révélées par cet examen, docteur Simon Pierry, elles restent entre le professionnel qui fait le dépistage et le patient ? Mais tout à fait, ce sont des informations qui sont sécurisées, ce sont des informations qui ne sont pas divulguées sur les réseaux, il n'y aura aucun souci. Alors en fait, sur le cœur de la télémédecine, au niveau de l'agence de santé au sein indien, nous travaillons avec un groupement de coopération sanitaire qui s'appelle TESIS, et qui en fait a mis en place les outils de la télémédecine permettant la réalisation de ce projet Rétino. Je voulais quand même repréciser ce que disait tout à l'heure M. Carucci. Dans ce projet, c'est un projet qui vient des professionnels de santé. L'ARS a accompagné le projet pour permettre l'élaboration de ce et la connexion en fait de toutes les personnes ensemble, on peut dire. Mais disons que l'ARS ne va absolument pas avoir connaissance des examens de Madame Grondin, de Monsieur Warreau. C'est pas le souci de l'ARS. Par contre, l'ARS suivra le dossier pour apprécier son juste fonctionnement et évaluera le dispositif pour qu'il puisse éventuellement être ajusté et puis poursuivre, parce que là on est sur une expérimentation de 18 mois. L'idée c'est que ça fonctionne effectivement, et deuxièmement qu'on a quand même 12 000, plus de 10 000 personnes qui sont en écart sur les questions de rétinopathie. Ben, il faut à partir de cette expérimentation qu'ils puissent réintégrer le parcours de soins auprès de leur médecin traitant. Voilà, le médecin traitant, c'est un passage obligé au début comme à la fin du dispositif. Est-ce que le médecin traitant est informé qu'un courrier est envoyé à son patient, et est-ce qu'il peut l'encourager à aller à cette consultation ? Le médecin traitant, en fait, c'est le cœur du dispositif du système de soins en France. Vous êtes diabétique, vous êtes en écart, l'assurance maladie informe la personne diabétique qui n'a pas eu de fond d'œil depuis plus de 2 ans qu'elle peut aller faire cet examen, parce que ça va se passer en proximité de chez elle. La personne reçoit donc un courrier, elle doit aller voir son médecin traitant. Le médecin traitant est informé individuellement et est informé de cette demande de la personne, et il prescrit l'examen de rétinographie, et il encourage bien sûr son patient à aller rencontrer le dispositif rétino qui se déplacera dans l'ensemble des communes de Lille. Oui. Lorsque l'examen est réalisé, un courrier sera adressé par l'ophtalmologiste au patient, et le patient, fort de cet examen, reconsulte son médecin traitant pour discuter de l'interprétation qui sera faite des résultats. Résultats qui peuvent être totalement normaux ou montrer une anomalie. Dans ce cas-là, le médecin rejoint son patient dans le cadre du parcours de soins. Il faut aller. Il y a une petite anomalie sur votre rétine. Je vous propose d'aller rencontrer votre ophtalmologiste ou l'ophtalmologiste que vous pouvez consulter. Quoi. Le parcours, c'est en fait que toutes les personnes, à la fois le médecin et le patient, puissent être au bon endroit pour la bonne prestation en réponse avec le bon problème de santé. Et pour aller vers les patients qui en ont le plus besoin, c'est un examen gratuit qui ne fait pas souffrir, Eric Carucci ? Alors, il est complètement pris en charge par l'assurance maladie, puisque ce sont des gens qui sont sous ALD, généralement, donc affection longue durée. Donc, le diabète fait partie de ces maladies afférentes qui sont prises en gratuité par les soins ophtalmo. Et donc, il est complètement indolore. Ce sont des photos. Imaginez qu'on fasse une photo, comme maintenant les selfies. Hein, donc, ça sera un selfie de l'œil. Un selfie de l'œil, c'est voilà. Ça. D'accord, mais il n'y a que l'œil. Hein, y a pas, non, c'est juste pas l'œil. Difficile de juste l'œil. Quel message vous adressez, Philippe d'Occitano, aux personnes qui nous écoutent et qui seraient encore réticentes? Ce serait difficile ça a l'air simple. Ouais, le message, c'est toujours le même. Je veux dire, c'est l'observance. C'est-à-dire que si on a un doute, il faut aller se faire soigner, se soigner. Je crois que ça, c'est essentiel. Et là, on a, je veux dire, l'ARS et les médecins et les orthoptistes ont mis, je veux dire, une opération en route. Il faut en profiter parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et là, on voit très bien que c'est le malade qui est au centre du projet. Et il faut que le malade en profite, et surtout ceux qui sont dans les écarts. Et je veux dire, là, on a quelque chose, à mon avis, d'exceptionnel par rapport à ce qu'il fait d'habitude, puisque c'est vraiment les médecins qui vont, les professionnels de santé qui vont vers le malade. Et je crois que ça, c'est surtout dans les écarts. Et ça, c'est très utile. Et je crois qu'il faut que les gens profitent de cela pour se soigner. Est-ce que toutes les communes seront visitées, docteur Simon Pierry? Alors, on commence par l'Est, parce qu'en fait, dans l'Est, quand on regarde les bases d'analyse en santé, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'ophtalmo, il y a beaucoup de personnes en fait, qui restent en écart sur le problème de la rétinopathie. Puis après, en fait, on a écrit à l'ensemble des communes pour que les communes nous mettent à disposition du dispositif rétino des salles pour pouvoir recevoir quand même de façon confidentielle et permettre à l'orthoptiste de travailler. Il faut un peu beaucoup de lumière dans la salle pour que les examens puissent avoir lieu. Alors le calendrier est prévu, je le disais au début, 10 septembre, donc samedi à Elbourg, le 27 septembre dans le village de Salazie, 11 octobre Piton-Sainte-Rose, 25 octobre Sainte-Roseville, 8 novembre Rivière-du-Maléo à Brapanon et 5 décembre à la Plaine des Palmistes. Et puis j'imagine que ça va se poursuivre au-delà de la région Est. Dernière question, si quelqu'un qui nous a écouté et ne reçoit pas de courrier veut s'informer, quel moyen? Il peut en parler à son médecin traitant qui prend les infos? C'est le médecin traitant qui est au cœur du dispositif de la prise en charge des maladies chroniques. Merci à tous les trois d'être venus parler de la rétinopathie diabétique. Merci. Et de cette opération rétino. Docteur Jean-Marc Simon Pierry, responsable du service performance et projet de santé à l'ARS, Eric Carucci, président de l'URPS des orthoptistes, et Philippe d'Occitano, président de l'association Diabète Nutrition. C'est dans l'actu demain, sport et handicap, alors que s'ouvriront les Jeux paralympiques de Rio. Du 14 au 16 septembre, Réunion Première vous fera suivre le CRC Tour. Une dizaine d'associations, des stands d'information et de nombreuses animations gratuites à l'occasion des 40 ans des caisses réunionnaises complémentaires. Retrouvez-nous de 10h à 12h dans Les Experts, en direct sur Réunion Première Radio, depuis la place du marché de Saint-André, le mercredi 14 septembre. Et lors d'interventions en direct de 9h à 12h, le jeudi 15 septembre à Saint-Joseph-la-Halle. Et le vendredi 16 septembre sur la place de la mairie à Saint-Louis. Ôtez Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer. Crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous attend à où? Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Première. Excellent après-midi avec Ingrid sur la première. Merci Philippe, on vous dit à demain, même heure, même endroit. Ce matin, le Premier ministre Manuel Valls a confirmé qu'on était sans nouvelles d'une quinzaine de ressortissants français au Gabon où des émeutes ont lieu suite aux élections présidentielles. Et puis dans les Calanques, à Marseille, bonne nouvelle plus ou moins, puisque l'incendie est fixé. Développement de ces titres tout à l'heure dans le journal de France Info. Ce sera à 13h. D'ici là, voici Comme Zot. Monsieur, je sais tout. Monsieur, je sais tout. Il a son avis sur tout. Monsieur, je sais tout. Monsieur, je sais tout. Il a son avis sur tout. Il chat, chat, chat, chat tout le temps. Il chat, chat, chat, chat. Il chat, chat, chat, chat tout le temps. Chat, chat, chat.

C'était DJ Snake et Justin Bieber sur la première Let Me Love You. Leur prochain album Hors Sol sera disponible le mois prochain. Ils seront en concert d'ici là au Cabardoc ce vendredi. C'est Graines Sémées, Timaric qu'on écoute sur Réunion Première. Timaric il rêve la Réunion. Timaric il rêve les sortes d'un béton. Timaric il rêve la Réunion. Timaric il rêve les sortes d'un béton. Timaric qui rêve, ni des cannes latéens, sauf pour faire caillant, pour vivre d'un kéan. Timaric qui rêve, ni des tacs la langue, pour nous prendre ma main, maloya décembre. Timaric qui rêve, il rêve la Réunion. Timaric qui rêve, il saute d'un béton. Timaric qui rêve, il rêve la Réunion. Timaric qui rêve, ni des cannes latéens, pour nous plante de riz, pour nous plante de grains, même sans sa maille, pour nous guémoiser, au lexique nous dit, sans sa fin de l'engrais. Timaric il lève, là au bras pondu, Timaric il lève, pour son is animaux. Timaric il lève. Timaric il lève des fanas la pli pour kip son carreau typiquement oiseau. Timaric il lève même si les gars est pour si soleil là, au fatigali, Timaric qui rêve, il rêve la Réunion. Timaric qui rêve, l'issot d'un béton. Timaric qui rêve, il rêve la Réunion. Timaric qui rêve, l'issot d'un béton. Timaric qui rêve, il rêve la Réunion. Timaric qui rêve, l'issot d'un béton. Timaric qui rêve. Très bon début d'après-midi avec Réunion Première. Il est 13h, voici le journal de France Info. Il est 11h, Agathe Mahué pour l'info. Bonjour Agathe. Bonjour Marie, bonjour à tous. Après les flammes, le désarroi, pas loin de 1000 hectares de garrigues brûlés cette nuit dans l'Aude. Certaines cultures non loin de Perpignan sont dévastées. Témoignage dans un instant. Ils avaient 41 et 59 ans, deux hommes tués hier soir à Marseille. Les dernières victimes en date d'une série de règlements de comptes qui décidément n'en finit plus. Dans ce journal aussi, le personnel de SFR est en grève contre les suppressions de postes. Pourtant, il n'y aura pas de licenciement sec, assure le PDG. Et puis les footballeurs français jouent ce soir leur premier match de qualification pour le Mondial 2018, 20h45 face à la Biélorussie. France Info. Les pompiers toujours mobilisés donc dans l'Aude pour éviter une reprise de l'incendie. Impressionnant ce feu qui a ravagé en quelques heures près d'un millier d'hectares de garrigues dans l'ouest du département. Feu qui est à présent fixé, mais les dégâts sont importants pour les cultures essentiellement. À 40 km au nord de Perpignan, certains villages ont été particulièrement menacés. Nuit très agitée pour Sébastien Agelet, il est viticulteur à Pasiole. On n'a pas très bien dormi, les enfants n'ont pas très bien dormi aussi. Ils ont eu très peur en fait de voir tous ces pompiers. On s'est couché alors que le feu continuait. Ma femme a préparé les valises et tout, on était prêts à partir. Le feu se rapprochait très très vite. Heureusement les pompiers étaient là, ils ont bien maîtrisé, mais on était, ouais, les flammes étaient à quelques centaines de mètres du village, quoi. C'était assez impressionnant, puis il y avait des feux un peu partout. C'était vraiment un décor un peu chaotique, quoi. C'était vraiment, on voyait les pompiers qui allaient de droite à gauche avec les camions, c'était vraiment impressionnant. Bon, on devait vendanger aujourd'hui, mais c'est compromis. Là, je vais aller faire le tour des vignes et constater les dégâts. On est abasourdi, on est triste, vraiment, c'est vraiment la tristesse. C'est tout.